Les journées s'écoulèrent ainsi, tristes et douloureuses, pendant la première période de ma captivité aux îles du Salut. Je recevais chaque trimestre quelques livres qui m'étaient adressés par ma femme, mais je n'avais aucune occupation physique. Les nuits surtout, qui sous ce climat sont presque invariablement de 12 heures, étaient atrocement longues. Dans le courant de juillet 1895, j'avais fait une demande pour que l'on me permît d'acheter quelques outils de menuiserie. Un refus catégorique me fut opposé par le directeur du service pénitentiaire, sous prétexte que les outils pouvaient constituer des moyens d'évasion. Je ne me vois pas m'évadant sur un rabot d'une île où j'étais gardé à vue nuit et jour. À l'automne de 1896, le régime déjà si sévère auquel j'étais soumis devint plus rigoureux encore. Le 4 septembre 1896, l'administration pénitentiaire reçut de M. André Lebon, ministre des colonies, l'ordre de me maintenir jusqu'à nouvel ordre, enfermé dans ma case nuit et jour, avec double boucle de nuit, d'entourer le périmètre du promenoir autour de ma case d'une solide palissade, avec sentinelle intérieure en plus du surveillant de garde dans ma case. En outre, on suspendit la remise des lettres et des envois qui m'étaient adressés. La transmission de ma correspondance ne devait plus être opérée qu'en copie. Conformément à ces instructions, je fus enfermé nuit et jour dans ma case, sans même une minute de promenade. Cette réclusion absolue fut maintenue durant tout le temps que nécessita l'arrivée des bois et la construction de la palissade, c'est-à-dire environ 2 mois et demi. La chaleur fut cette année-là particulièrement torride. Elle était si grande dans la case que les surveillants de garde firent plainte sur plainte, déclarant qu'ils sentaient leur crâne éclater. On dut, sur leur réclamation, arroser chaque jour l'intérieur du tambour accolé à ma case, dans lequel ils se tenaient. Quant à moi, je fondais littéralement. À dater du 6 septembre, je fus mis à la double boucle de nuit, et ce supplice, qui dura près de 2 mois, consista dans les mesures suivantes. 2 fers en forme de U, A, A, furent fixés par leur partie inférieure au côté du lit. Dans ces fers s'engageait une barre en fer B, à laquelle étaient fixées 2 boucles, CC. À l'extrémité de la barre, d'un côté, un plein terminal D, de l'autre côté, un cadenas E, de telle sorte que la barre était fixée au fer AA et par suite au lit. Quand les 2 pieds étaient donc engagés dans les 2 boucles, je n'avais plus la possibilité de remuer. J'étais invariablement fixé au lit. Le supplice était horrible, surtout par ces nuits torrides. Bientôt, les boucles très serrées aux chevilles me blessèrent. La case fut entourée d'une palissade de 2,50 m de hauteur, distante de 1,50 m environ de la case. Cette palissade dépassait de beaucoup en hauteur les petites fenêtres grillées de la case, qui étaient environ 1 mètre au-dessus du sol, de telle sorte que je n'eus plus ni air ni lumière dans l'intérieur de la case. En dehors de cette première palissade complètement jointe, qui était une palissade de défense, fut construite une 2e palissade non moins jointe, d'égale hauteur, et qui, comme la première, me cachait toute vue du dehors. Dans l'intérieur de cette dernière palissade, qui constituait ainsi un petit promenoir, je reçus, après environ 3 mois de réclusion absolue, l'autorisation de circuler dans le jour sous un soleil ardent, sans trace d'ombre et toujours accompagné par le surveillant de garde. Jusqu'au 4 septembre 1896, je n'avais occupé ma case que la nuit et aux heures trop chaudes de la journée, en dehors des heures que je consacrais à de petites promenades dans les 200 mètres de l'île qui m'avait été réservée. Je m'asseyais souvent à l'ombre de la case, face à la mer, et si mes pensées étaient tristes et obsédantes, si souvent je grelottais la fièvre, j'avais du moins cette consolation dans mon extrême douleur de voir la mer, de laisser errer ma vue sur les flots, de sentir souvent mon âme se soulever les jours de tempête avec les ondes furieuses. À partir du 4 septembre 1896, plus rien. La vue de la mer du dehors m'est interdite. J'étouffe dans ma case où je n'ai plus ni air ni lumière. Uniquement le promenoir entre 2 palissades dans la journée, en plein soleil, sans apparence d'ombre. Dans le courant du mois de juin 1896, j'avais eu de violents accès de fièvre, suivis de congestion cérébrale. Dans une de ces nuits tragiques de douleur et de fièvre, je voulus me lever. Je tombai comme une masse sur le sol de la case et y restai évanoui. Le surveillant de garde dut me relever inanimé, couvert de sang. Les jours qui suivirent, l'estomac se refusa à toute nourriture. Je dépéris beaucoup et ma santé fut fortement ébranlée. J'étais encore extrêmement faible quand furent prises les mesures arbitraires et inhumaines du mois de septembre 1896. Aussi fut-ce une nouvelle chute. C'est dans ces conditions que je crus ne pas pouvoir aller plus loin. Quelle que soit la volonté et l'énergie d'un homme, les forces humaines ont une limite, et celle-ci était dépassée. Aussi arrêtai-je mon journal avec mission de le remettre à ma femme. D'ailleurs, peu de jours après, tous mes papiers furent saisis. Je n'eus plus en ma possession qu'une quantité limitée de papiers, papiers numérotés et paraffés, comme depuis le premier jour, mais que je dus remettre aussitôt qu'il était écrit, avant de pouvoir en recevoir d'autres. Mais dans une de ces longues nuits de torture où, cloué sur mon lit, le sommeil fuyant mes paupières, je cherchais l'étoile directrice, le guide des instants de suprême résolution. Je la vis tout à coup lumineuse lire devant moi et me dicter mon devoir. Aujourd'hui, moins que jamais, tu n'as le droit de déserter ton poste. Moins que jamais, tu n'as le droit d'abréger, fût-ce d'un seul jour, ta vie triste et misérable. Quels que soient les supplices qu'on t'inflige, il faut que tu marches, jusqu'à ce qu'on te jette dans la tombe. Il faut que tu restes debout devant tes bourreaux, tant que tu auras ombre de force, épave vivante à maintenir sous leurs yeux, par l'intangible souveraineté de l'âme. Dès lors, je pris la résolution de lutter plus énergiquement que jamais. Dans la période qui s'écoula ensuite, depuis le mois de septembre 1896 jusqu'en août 1897, la surveillance directe devint chaque jour plus rigoureuse. Le nombre des surveillants avait été au début, outre le surveillant chef, de 5 surveillants. Il fut porté à 6, puis à 10 surveillants dans le courant de l'année 97. Il fut encore augmenté plus tard. Jusqu'en 1896, je reçus des livres chaque trimestre envoyés par ma femme. À dater du mois de septembre 1896, ces envois furent supprimés. On me prévint, il est vrai, que j'étais autorisé à faire chaque trimestre une demande de 20 livres qui seraient achetés à mes frais. Je fis une première demande qui ne me parvint que plusieurs mois après, une seconde qui mit encore un peu grand nombre de mois pour me parvenir, enfin une troisième à laquelle il ne fut jamais répondu. Dès lors, je dus vivre sur le fonds qui s'était créé avec les premiers envois reçus. Ce fonds comprenait, outre un certain nombre de revues littéraires et scientifiques, quelques livres de lecture courante, les études sur la littérature contemporaine de Scherer, l'histoire de la littérature de Lançon, quelques œuvres de Balzac, les mémoires de Barras, la petite critique de Janin, une histoire de la peinture, l'histoire des Francs, les récits des temps mérovingiens d'Augustin Thierry, les tomes 7 et 8 de l'histoire générale du IVe siècle jusqu'à nos jours de la vie Sérambeau, les essais de Montaigne et surtout les œuvres complètes de Shakespeare. Je n'ai jamais aussi bien compris le grand écrivain que durant cette époque si tragique. Je le lus et le relus. Hamlet et le roi Lear m'apparurent avec toute leur puissance dramatique. Je refis aussi des sciences, et ne possédant pas les livres nécessaires, je dus reconstituer les éléments du calcul intégral et différentiel. J'obligeais ainsi par moments, trop court hélas, mon cerveau à s'absorber dans un ordre d'idées tout différent de celui qui l'occupait habituellement. Mes livres, au bout de peu de temps, furent en assez piteux état. Les bêtes y établissaient domicile, les rongeaient et y déposaient leurs œufs. Les animaux pullulaient dans ma case, les moustiques au moment de la saison des pluies, les fourmis en toute saison, en nombre si considérable que j'avais dû isoler ma table en emplaçant les pieds dans de vieilles boîtes de conserve remplies de pétrole. L'eau avait été insuffisante car les fourmis formaient chaîne à la surface et dès que la chaîne était complète, les fourmis traversaient comme sur un pont. La bête la plus malfaisante était l'araignée crabe. Sa morsure est venimeuse. L'araignée crabe est un animal dont le corps a l'aspect de celui du crabe, les pattes la longueur de celle de l'araignée. L'ensemble est de la grosseur d'une main d'homme. J'en tuais de nombreuses dans ma case, où elles pénétraient par l'intervalle entre la toiture et les murs. En résumé, après les coups de masse du mois de septembre 1896, j'eus un moment de détresse, puis un relèvement d'énergie morale, l'âme se dressant plus pure et plus hautaine dans ses revendications. En octobre, j'écrivis à ma femme. Île du salut, 3 octobre 1896. Je n'ai pas encore reçu le courrier du mois d'août. Je veux cependant t'écrire quelques mots et t'envoyer l'écho de mon immense affection. Je t'ai écrit le mois dernier et t'ai ouvert mon cœur. Dis toutes mes pensées, je ne saurais rien y ajouter. J'espère qu'on t'apportera ce concours que tu as le devoir de demander. Et je ne puis souhaiter qu'une chose, c'est d'apprendre bientôt que la lumière est faite sur cette horrible affaire. Ce que je veux te dire encore, c'est qu'il ne faut pas que l'horrible acuité de nos souffrances dénature nos cœurs. Il faut que notre nom, que nous-mêmes sortions de cette horrible aventure, tels que nous étions quand on y a fait entrer. Mais devant de telles souffrances, il faut que les courages grandissent, non pour récriminer ni pour se plaindre, mais pour demander, vouloir enfin la lumière sur cet horrible drame, démasquer celui ou ceux dont nous sommes les victimes. Si je t'écris souvent et si longuement, c'est qu'il y a une chose que je voudrais pouvoir exprimer mieux que je ne le fais. C'est que fort de nos consciences, il faut que nous nous élevions au-dessus de tout, sans gémir, sans nous plaindre, en gens de cœur qui souffrent le martyre, qui peuvent y succomber, en faisant simplement notre devoir. Et ce devoir, si pour moi, il est de tenir debout, tant que je pourrai, il est pour toi, pour vous tous, de vouloir la lumière sur ce lugubre drame, en faisant appel à tous les concours, car vraiment je doute que des êtres humains aient jamais souffert plus que nous. Île du Salut, 5 octobre 1896. Je viens de recevoir à l'instant ta chère et bonne lettre du mois d'août, ainsi que toutes celles de la famille, et c'est sous l'impression profonde non seulement des souffrances que nous endurons tous, mais de la douleur que je t'ai causée par ma lettre du 6 juillet que je t'écris. Ah, chère Lucie, comme l'être humain est faible, comme il est parfois lâche et égoïste, ainsi que je te l'ai dit, je crois, j'étais à ce moment en proie aux fièvres qui me brûlaient corps et cerveau, moi dont l'esprit est si frappé, dont les tortures sont si grandes, et alors dans cette détresse profonde de tout l'être, où l'on aurait besoin d'une main amie, d'une figure sympathique, hallucinée par la fièvre, par la douleur, ne recevant pas ton courrier, il a fallu que je jette mes cris de douleur que je ne pouvais exhaler ailleurs. Je me ressaisis d'ailleurs, je suis redevenue ce que j'étais, ce que je resterai jusqu'au dernier souffle. Comme je te l'ai dit dans ma lettre d'avant-hier, il faut que, fort de nos consciences, nous nous élevions au-dessus de tout, mais avec cette volonté ferme, inflexible, de faire éclater mon innocence aux yeux de la France entière. Il faut que notre nom sorte de cette horrible aventure, tel qu'il était quand on l'y a fait entrer. Il faut que nos enfants entrent dans la vie la tête haute et fière. Quant aux conseils que je puis te donner, que je t'ai développés dans mes lettres précédentes, tu dois bien comprendre que les seuls conseils que je puisse te donner sont ceux que me suggère mon cœur. Tu es, vous êtes tous mieux placés, mieux conseillés pour savoir ce que vous avez à faire. Je souhaite avec moi que cette situation atroce ne tarde pas trop à s'éclaircir, que nos souffrances à tous aient bientôt un terme. Quoi qu'il en soit, il faut avoir cette foi qui fait diminuer toutes les souffrances, surmonter toutes les douleurs, pour arriver à rendre à nos enfants un nom sans tache, un nom respecté, Alfred. La lettre de ma femme que je reçus le 5 octobre 1896 était une lettre datée du 13 août, la seule qui me parvint de toutes les lettres que m'écrivit ma femme durant ce mois. J'en extrais ce simple passage. Paris, 13 août 1896. Je reçois à l'instant ta lettre du 6 juillet, et c'est les yeux encore tout gonflés de larmes que je t'écris. Pauvre, pauvre cher Marie, quel calvaire tu supportes, à quel martyr tu es soumis, c'est tellement atroce, tellement épouvantable que cette pensée seule m'affole. Lucie. En novembre, je ne reçus pas une seule des lettres que ma femme m'écrivit en septembre. Elles ne me parvinrent jamais. En décembre, je reçus parmi toutes les lettres du mois d'octobre de ma femme une seule lettre, celle du 10 octobre, dont voici un extrait. Paris, 10 octobre 1896. J'attends avec une bien vive anxiété des lettres de toi. Songe que je n'ai pas de tes nouvelles depuis le 9 août, c'est-à-dire depuis près de 2 mois et demi. Ce sont de longues semaines d'inquiétude. Celles qui s'écoulent entre chaque courrier et chaque jour de retard m'apportent d'autres angoisses. Lucie. Le 4 janvier 1897, j'écrivis à ma femme. Île du Salut, 4 janvier 1897. Je viens de recevoir tes lettres de novembre ainsi que celles de la famille. L'émotion profonde qu'elle me cause est toujours la même, indescriptible. Comme toi, ma chère Lucie, ma pensée ne te quitte pas. Ne quitte pas nos chers enfants, vous tous, et quand mon cœur n'en peut plus, est à bout de force pour résister à ce martyr qui broie le cœur sans s'arrêter, comme le grain sous la meule, qui déchire tout ce qu'on a de plus noble, de plus pur, de plus élevé, qui brise tous les ressorts de l'âme, je me crie à moi-même toujours les mêmes paroles. Si atroce que soit ton supplice, marche encore afin de pouvoir mourir tranquille, sachant que tu laisses à tes enfants un nom honoré, un nom respecté. Mon cœur, tu le connais, il n'a pas changé. C'est celui d'un soldat, indifférent à toutes les souffrances physiques, qui met l'honneur avant au-dessus de tout, qui a vécu, qui a résisté à cet effondrement effroyable, invraisemblable, de tout ce qui fait le français, l'homme, de ce qui seul enfin permet de vivre, parce qu'il était père et qu'il faut que l'honneur soit rendu au nom que portent nos enfants. Je t'ai écrit longuement déjà. J'ai essayé de te résumer lucidement, d'exposer pourquoi ma confiance, ma foi était absolue, aussi bien dans les efforts des uns que dans ceux des autres, car, crois-le bien, aisant l'absolue certitude, l'appel que j'ai encore fait au nom de mes enfants, crée un devoir auquel des hommes de cœur ne se soustraient jamais. D'autre part, je connais trop tous les sentiments qui vous animent pour penser jamais qu'il puisse y avoir un moment de lassitude chez aucun, tant que la vérité ne sera pas découverte. Donc tous les cœurs, toutes les énergies vont converger vers le but suprême, courir su à la bête jusqu'à ce qu'elle soit forcée, l'auteur ou les auteurs de ce crime infâme. Mais hélas, comme je te l'ai dit aussi, Si ma confiance est absolue, les énergies du cœur, celles du cerveau ont des limites, dans une situation aussi atrocement épouvantable, supportée depuis si longtemps. Je sais aussi ce que tu souffres et c'est horrible. Or, il n'est pas en ton pouvoir d'abréger mon martyre, le nôtre. Le gouvernement seul possède des moyens d'investigation assez puissants, assez décisifs pour le faire, s'il ne veut pas qu'un Français qui ne demande à sa patrie que la justice, la pleine lumière, toute la vérité sur ce lugubre drame, qui n'a plus qu'une chose à demander à la vie, voire encore pour ses chers petits le jour où l'honneur leur sera rendu, ne succombe sous une situation aussi écrasante pour un crime abominable qu'il n'a pas commis. J'espère donc que le gouvernement aussi t'apportera son concours. Quoi qu'il en soit de moi, je ne puis donc que te répéter de toutes les forces de mon âme d'avoir confiance, d'être toujours courageuse et forte, et t'embrasser de tout mon cœur, de toutes mes forces, comme je t'aime ainsi que nos chers et adorés enfants. Alfred. J'extrais des lettres que je reçus de ma femme à cette date les passages qui suivent. Paris, 12 novembre 1896. Je viens de recevoir tes bonnes lettres des 3 et 5 octobre. Je suis encore tout impressionnée et heureuse de m'être laissée aller quelques instants à l'émotion si douce que me causent tes paroles. Je t'en prie, mon mari bien-aimé, ne pense pas à ma douleur, aux souffrances que je puis endurer. Comme je te l'ai déjà dit, ma personnalité n'est que secondaire et je serais navrée d'ajouter encore par mes plaintes une douleur de plus à tes tortures. Ne te préoccupe donc pas de moi. Tu as besoin de toutes tes forces, de tout ton courage pour résister à cette lutte morale si pénible, si dure, pour ne pas te laisser déprimer par la fatigue physique, par le climat, par les privations de toutes sortes qui te sont imposées. Paris, 24 novembre 1896. Je voudrais pouvoir venir causer avec toi tous les jours. Mais à quoi bon répéter constamment les mêmes choses? Je sais très bien que mes lettres se ressemblent, qu'elles sont toutes imprégnées de la même idée, l'unique idée qui nous occupe tous, celle dont dépendent nos vies, celle de nos enfants, l'avenir de toute une famille. Comme toi, je ne puis m'attacher qu'à une chose, à ta réhabilitation. Je ne poursuis qu'un but, celui de te faire rendre ton honneur. En dehors de cette pensée fixe qui me hante, rien ne m'intéresse, rien ne me touche. Lucie. Puis en février. Paris, 15 décembre 1896. J'espérais recevoir ce mois encore quelques bonnes lettres de toi. Je me réjouissais de lire une bonne causerie. N'ayant rien reçu, j'ai pris tes lettres du mois d'octobre. Je les ai lues et relues. Paris, 25 décembre 1896. Une fois encore, je vais remettre le courrier pour qu'il te soit envoyé. Avec l'amer chagrin de ne pouvoir te donner encore la nouvelle que tu désires, que nous attendons avec tant d'anxiété, celle de ta réhabilitation. Je sais que ce sera pour toi une nouvelle déception, une prolongation de tes souffrances. C'est pourquoi j'en suis doublement navrée. Pauvre ami, j'ai des angoisses affreuses, des serrements de cœur épouvantables devant ton supplice, que toutes nos activités, nos volontés ne peuvent abréger. Lucie. Au mois de mars 1897, on me fit attendre jusqu'au 28 du mois la remise des lettres du mois de janvier de ma femme. Pour la première fois, ces lettres m'étaient transmises seulement en copie. Jusqu'à quel point le texte écrit par une main banale représente-t-il le texte original? C'est ce que je ne saurais dire. Je ressentis vivement ce nouvel outrage, venant après tant d'autres, et j'en fus blessée jusqu'au plus profond de mon âme. Mais rien ne put amoindrir ma volonté. J'écrivis à ma femme, Île du Salut, 28 mars 1897. Après une longue et anxieuse anxiété, je viens de recevoir la copie de deux lettres de toi du mois de janvier. Tu te plains de ce que je ne t'écris plus longuement. Je t'ai écrit de nombreuses lettres fin janvier. Peut-être te seront-elles parvenues maintenant. Et puis, les sentiments qui sont dans nos cœurs, qui régissent nos âmes, nous les connaissons. D'ailleurs, nous avons épuisé tous deux, nous tous, enfin, la coupe de toutes les souffrances. Tu me demandes encore, ma chère Lucie, de te parler longuement de moi. Je ne le puis, hélas. Lorsqu'on souffre aussi atrocement, quand on supporte de telles misères morales, il est impossible de savoir la veille où l'on sera le lendemain. Tu me pardonneras aussi si je n'ai pas été toujours stoïque, si souvent je t'ai fait partager mon extrême douleur à toi qui souffrais déjà tant. Mais c'était parfois trop, et j'étais trop seule. Mais aujourd'hui, comme hier, arrière toutes les plaintes, toutes les récriminations, la vie n'est rien. Il faut que tu triomphes de toutes tes douleurs, quelles qu'elles puissent être, de toutes tes souffrances, comme une âme humaine très haute et très pure, qui a un devoir sacré à remplir. Sois invinciblement forte et vaillante, les yeux fixés droit devant toi, vers le but, sans regarder ni à droite ni à gauche. Ah, je sais bien que tu n'es aussi qu'un être humain, mais quand la douleur devient trop grande, si les épreuves que l'avenir te réserve sont trop fortes, regarde nos chers enfants et dis-toi qu'il faut que tu vives, qu'il faut que tu sois là leur soutien, jusqu'au jour où la patrie reconnaîtra ce que j'ai été, ce que je suis. Et ce que je veux te répéter de toutes les forces de mon âme, de cette voix que tu devras toujours entendre, c'est courage et courage. Ta patience, ta volonté et les nôtres ne devront jamais se lasser jusqu'à ce que la vérité tout entière soit révélée et reconnue. Ce que je ne saurais assez mettre dans mes lettres, c'est tout ce que mon cœur contient d'affection pour toi, pour nous. Si j'ai pu résister jusqu'ici à tant de misère morale, c'est que j'ai puisé cette force dans ta pensée, dans celle des enfants. Alfred.